Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des alternatives à l'assurance loyer impayé. Démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentable. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc dans cette nouvelle vidéo, je pense que je vais te faire plaisir car je vais te faire économiser vraiment plein d'argent. En effet, ça fait partie vraiment des doutes, des questions que je reçois, des interrogations de beaucoup de personnes avant de se lancer. C'est « j'ai peur que le locataire ne paye pas ». Alors, je vais être honnête avec toi, cette peur-là, elle est fondée, elle est légitime et ça arrive. Donc, on a déjà fait des vidéos pour voir comment limiter le risque d'avoir un locataire qui ne paye pas. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais essayer de te mettre une vidéo que j'ai déjà fait là-dessus pour trouver le bon locataire, pour être sûr d'avoir un locataire qui te paye. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir les alternatives à l'assurance loyer impayé. Donc, l'assurance loyer impayé, c'est une assurance qu'il faut prendre en plus, donc qui va empiéter quand même ta rentabilité. Et donc, les alternatives. Alors, la première alternative, juste pour être sûr, voilà, il y a une alternative à l'assurance loyer impayé, c'est de prendre des garants, de choisir des garants à tes locataires. Maintenant, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une assurance loyer impayé, mais c'est une possibilité si la personne peut avoir de très bons garants, des garants sérieux. Si tu trouves deux garants sérieux, de mon point de vue, il n'y a pas trop de soucis. Si tu trouves un étudiant sérieux qui a ses parents qui ont des gros revenus et qui se portent garant, pour moi, ça peut suffire. Maintenant, je vais te parler de solutions alternatives qui sont vraiment des solutions à ISO, entre guillemets, ISO périmètre de l'assurance loyer impayé. Donc, il y en a deux, enfin, il y en a deux principalement. Il y en a une troisième, je ne me rappelle plus du nom. En gros, il y a l'assurance Visal. L'assurance Visal, c'est une assurance pour les moins de 30 ans. Donc, toute personne de moins de 30 ans normalement est éligible à cette assurance-là. C'est juste une assurance qui va en fait qui va faire l'ensemble des choses de l'assurance loyer impayé, à part que c'est une assurance qui est gratuite. C'est organisé par l'État pour aider les personnes qui, soit les jeunes, soit les personnes qui sont en CDD ou en CDI, en période encore d'essai, d'arriver à la location et de ne pas avoir de problème pour avoir un appartement. Puisque tout bon bailleur qu'on est, on pose toujours les mêmes questions. Il est préférable d'avoir quelqu'un qui est en CDI avec une période d'essai confirmée, etc. Donc là, c'est pour aider aussi les personnes par exemple, qui ont plus de 30 ans, mais qui sont en CDI et qui sont encore en période d'essai. Ça marche pour les personnes qui ont plus de 30 ans et qui ont moins de 6 mois d'ancienneté dans leur société. Pour les moins de 30 ans, c'est toutes les personnes, ça va marcher pour toutes les personnes. Il y a juste des conditions par rapport au loyer. Il me semble que le loyer ne doit pas dépasser 50% des revenus de la personne. Donc voilà, dans certaines conditions, ça ne va pas marcher. Maintenant, dans une grosse proportion, ça va marcher. Et par exemple, dans mon cas, quand j'ai un changement de locataire, je vais privilégier quelqu'un qui est éligible à cette assurance par rapport à quelqu'un qui va me ramener des garants et encore moins quelqu'un où je vais être obligé de prendre une assurance loyer impayée. Il y a maintenant autre chose, c'est un peu l'assurance loyer impayée de la CAF, c'est l'OCAPASS. L'OCAPASS, donc c'est pour les membres qui ont des revenus un peu plus bas. Et ils vont t'assurer jusqu'à 9 mois de loyer impayé. Donc, je crois que c'est la CAF qui paye 9 mois de loyer impayé. En fait, ils vont te les payer et ensuite, ils vont aller les chercher. Ils vont faire en fait un prêt, un crédit à 0%, je crois, au locataire qui aura laissé une ardoise à la CAF. Donc, en gros, c'est pour toi, c'est juste magnifique parce que tu es pratiquement sûr d'être payé. Et je te vois tout de suite arriver avec tes questions, hein. Puisque j'ai pas mal de questions là-dessus. Oui, mais est-ce que tu as déjà testé? Très honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas eu à tester ces assurances-là. Mais il y a fort à parier qu'elles marchent pareil que les assurances de loyer impayé, dans le sens où il faut vraiment de manière très précise respecter toutes les étapes à mettre en place quand tu as un impayé, avec les recommandés envoyés, etc. Avec les délais entre deux courriers, entre deux relances et toute la démarche à mettre en place. Donc, au niveau de la démarche, ça va être aussi rigoureux, normalement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La seule différence, c'est que tous les mois, tu ne vas pas payer, ça ne va pas venir empiéter ta rentabilité. D'accord? Donc, Je t'encourage fortement à y aller. Il y a une autre assurance loyer impayé pour les intérimaires. Je ne me rappelle plus du nom, je te le mettrai dans la description de la vidéo. Mais là, tout de suite, je ne me rappelle plus du nom. Mais en gros, il y a possibilité d'avoir une assurance loyer impayé gratuite pour une grande partie des locataires. Donc, là, tu le sais, je viens de te faire économiser grâce à cette vidéo environ entre 2 et 4-5% de tes revenus locatifs par mois. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour toi. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo où je te fais économiser de l'argent gratuitement, bah mets-moi un gros like. Tu peux la partager à des amis investisseurs. Tu peux aussi me mettre un commentaire pour me dire si tu as déjà utilisé ou as utilisé l'une de ces garanties ou si tu en connais d'autres. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bah, tu peux le faire immédiatement pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu de qualité, du contenu gratuit. Donc je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je te dis, cette vidéo, c'était pour te montrer que à tout problème, il y a des solutions. Et là, il y a même des solutions qui sont complètement gratuites. C'est des aides de l'État, autant les prendre. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je te dis juste, porte-toi bien, passe à l'action, kiffe et profite des tiens. À très bientôt. Ciao, ciao!